Bonjour, reprise des émissions avec Little et Melody pour Droogies Radio. Aujourd'hui, on interview Cran pour la sortie. T'es sûr que c'est Cran ou à Cran ? Je crois que c'est Cran, on leur demandera pour la sortie de l'album. Bonjour, bonjour. Nous-mêmes, on n'est pas sûr si on est Cran ou à Cran. Internet, avec Internet, on ne comprend plus. Bonjour David, bonjour Mélo, on est ravis d'être là. Pour représenter Cran, donc nous sommes deux aujourd'hui, Ben et Ed. Moi, ça reste en famille parce qu'ils font partie de Droogies Radio aussi. Oui, accessoirement, oui. Et on excusera nos deux camarades, il y a eu un petit concert hier soir et ils n'ont pas su se réveiller pour venir faire l'interview. Pardonnez à moitié, mais bon, à moitié pardonné, on va dire. Donc, on va commencer de manière assez classique, hein, en demandant un petit peu comment cette histoire a commencé. Pour le groupe, quand, comment, voilà. Ça a commencé courant 2018. Donc moi, Ben, qui suis à la guitare, je fais de la musique avec Louis, le batteur, depuis environ une dizaine d'années. Et on voulait commencer à faire un petit peu de musique ou à faire un peu autre chose. Accessoirement, avec Ed Lira, on avait commencé à composer des trucs un petit peu post-punk, en réalité, au départ. Et puis on fait pas mal de musique à la maison, on a un petit home studio et le post-punk et s'est transformé en gros punk petit à petit. Ed n'avait jamais chanté en fait dans un groupe, on avait commencé à travailler, à faire des petits enregistrements comme ça et petit à petit elle a trouvé cette voix crier qui nous a tous touchés au tout départ et c'est comme ça que ça a commencé à faire des petits enregistrements. Voilà, et qu'est-ce que je peux ajouter de plus sur le début ? Donc les démos, assez rapidement l'envie de faire des lives aussi. On a cherché à compléter le groupe plutôt, donc avec un bassiste. Voilà, et pour ma part, qu'est-ce que je peux dire pour anticiper la... Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter ? Voilà, je savais que tu allais me poser cette question. Je pense que c'est vraiment un peu un truc dont j'avais envie depuis très très longtemps. Un mélange très naïvement de rêve de faire un peu de scène... probablement aussi depuis que je suis gamine, en fait. Hein, j'en parle un petit peu dans l'interview qu'Aurélie a fait de pas mal de... Voilà, elle a interviewé pour l'anniversaire d'Apatride, son fanzine. Donc elle m'a aussi interviewée. Donc j'expliquais un petit peu que voilà, depuis gamine, en fait, je suis quand même un peu attirée par le fait de faire de la scène. J'ai de la famille un peu qui a été dans le théâtre, côté un peu artistique, etc. Et j'ai toujours un peu baigné dans ça. Et puis, au-delà donc du fait d'être mélomane, un peu comme nous tous, hein, l'envie aussi de participer, en plus que d'être juste spectatrice, de venir à des concerts, de connaître des gens, de participer un petit peu plus, notamment justement d'où ça arrivait, donc là vers ma trentaine en fait, hein, au final, le temps que je prenne un peu confiance, que je me dise aussi allez, maintenant j'y vais. Et effectivement, Ben m'a proposé parce qu'il connaissait cette envie que j'avais, il y a quelques étapes à passer aussi un peu, je pense, psychologiquement dans sa tête aussi, hein. Malgré l'envie, après le fait de se lancer, c'est pas forcément évident, surtout justement quand tu regardes des concerts depuis toujours, c'est toujours un peu impressionnant. Moi, j'ai toujours eu un immense respect pour les gens qui jouent de la scène, ça m'a toujours paru un peu intimidant et très attirant en même temps. Donc en fait, le temps de passer le pas, je me suis dit j'y vais et puis je cherche un peu ma voie. Et vraiment aussi l'envie de faire un petit peu plus que juste être là, quoi, d'en faire un peu plus partie dans le fait d'aider aussi à amener un peu ma patte dans la musique. Il y a eu aussi après l'envie de faire l'émission radio, donc Female Trouble, d'ajouter une brique en plus sur cette participation à la scène ou aux scènes, aux différentes scènes, quoi. Voilà. Alors vous avez commencé une période qui est compliquée parce que juste avant le Covid, comme pour beaucoup de groupes qui ont commencé ces dernières années. Donc c'est un petit peu la merde, on va dire, quand on commence à... et qu'il se passe un truc merde, comme ça. Donc parce que vous allez expliquer. En fait, on, Déjà, le Covid est arrivé un peu d'un coup, donc on ne pouvait pas se rendre compte qu'on allait être dans la merde, mais on l'a bien été, effectivement. On a eu des buts un peu timides, en réalité. On avait joué pour des copains en Belgique, au Pits, pour l'anniversaire de la salle, le Pits en Belgique, à Courtrai, parce que c'est des amis à nous de longue date qui organisent là-bas, et du coup, ils voulaient qu'on fasse un concert. Donc on a très vite fait un set pour pouvoir faire ce concert. Ensuite, on avait été invité pour faire la première partie pour la release de Marabouts et de Bromure. Et là, effectivement, on rencontre Benjamin, on vous rencontre tous. On a la chance de pouvoir commencer à faire un premier EP. Mais en même temps, on avait des compos, mais on n'était pas non plus pressés. Donc cette année-là, on n'a pas fait énormément de concerts, en fait, l'année 2019. Je crois qu'on avait joué 4 fois, en fait, ou 5 fois en tout. Et puis là, on a cette EP qui commence à arriver, et puis on se dit, bon, bah, c'est bon, après l'EP, on va pouvoir faire quelque chose, quoi. Et il sort le 29 février 2020, et 12 jours plus tard, on est en confinement. Et puis là, on fait... Ça. Ouais, pour fêter ça. Pour fêter ça. Ouais, c'est ça, pour fêter ça, bah, on a bien fait la fête. Et donc, c'est vrai que ça, il y a eu un petit effet où, bah, pétard mouillé, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est là, on a ça, et puis on se dit... Bah, quel va être notre avenir d'ailleurs? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? On ne savait pas trop. Et puis voilà, voir cette EP. Bah, on n'a pas pu, du coup, entre guillemets, défendre la sortie de l'EP, quoi, par des concerts. Mais c'est vrai qu'il y a eu, à côté de ça, par contre, on a eu quand même des retours sur l'EP, des interviews. Forcément, bah, l'écrit, heureusement, on pouvait continuer à le faire, quoi. Donc on a eu des copains, des gens qu'on ne connaissait pas aussi, qui nous ont demandé des interviews pour des fanzines. Voilà. Donc c'était une période où... Est-ce que tu avais composé pour Cran pendant le confinement? Oui, hein, je ne me rappelle plus. Non. Pendant le confinement, j'ai fait, j'ai fait mon projet. Le titre de la compile, Famine. Le titre de la compile, je crois qu'il s'est fait genre quelques semaines avant, un truc comme ça, ou un mois avant. Est-ce que c'était pendant le confinement? Non, je crois que c'était juste après. Non, je me suis concentré, j'ai geeké en fait sur mon ordi et j'ai fait un projet qui s'appelle La Place. Et en fait, je crois que pendant le confinement, j'avais besoin d'être entre moi et moi-même et d'envoyer ce qui me passait par la tête dans de la musique, mais c'était pas pour Cran spécialement. J'ai fait un truc qui me plaisait qu'à moi, quoi, en gros. D'accord. Voilà. Bah, alors là, pour le coup, je vais buter sur le titre de la compile, Famine, parce que moi, Mélo, c'est un de nos titres préférés. Et surtout, D'ailleurs, on va l'écouter. Hein. Voilà. Il y a eu beaucoup de bons retours, puisque en fait, la compile est sortie, elle s'est faite pendant le confinement. Donc, c'est une des petites bonnes choses pendant le confinement, hein, puisque Droutis Radio aussi s'est né pendant le confinement. Enfin, bon, il y a eu quand même des choses. Qui sont faits et qui, à final, servent après confinement. Ce titre, vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Qui l'a écrit? Cette chanson? Alors, ouais, c'est Rémi d'Acran. Donc, je tiens encore à préciser que Acran et nous, on est vraiment super potes. Et voilà, il y a pas mal de croisements qui se font entre eux et nous. D'ailleurs, pendant le confinement, j'avais enregistré une reprise d'Acran avec Ed qui chante dessus. Rémi d'Acran nous envoie des paroles en disant bah, j'ai ça et je sais pas quoi en faire. Non, c'était plutôt moi qui lui ai dit: Rémi, je suis en manque d'inspiration, est-ce que t'as pas un texte qui traîne? étant donné qu'il écrit quand même super bien et qu'il a pas mal d'inspiration, et il m'envoie ce texte qui s'appelle initialement donc Holodomor ou Famine, déjà je ne sais plus. Mais il m'envoie ça et je lis les paroles, je suis pas sûre de comprendre complètement de quoi ça parle. Ça parle de l'Holodomor, donc qui est donc une phase sombre de l'histoire de la Russie avec l'Ukraine dans les années 30. Et en fait, à ce moment-là, je crois que Ben avait commencé à composer comme il fait à son habitude, un peu dans son coin. Et il m'a dit, tiens, je pourrais peut-être les caler les paroles sur ce morceau. Et on a modifié 2-3 mots, on a essayé de faire caler un peu avec la musique. J'ai fait des allers-retours avec Rémi, avec le texte, hein, pour faire en sorte aussi de garder son texte d'origine. Et en même temps, il a dit, bah, de toute façon, je vous le donne, donc en fait, faites en sorte que ça rentre dans le phrasé. Parce que mon phrasé, comme lui, comme il l'avait... écrit initialement, a priori, pour Akran. Il a son propre phrasé, sa manière de chanter. Donc, moi, j'ai la mienne, quoi. Donc, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce que tu as ajouté, toi, de ton côté, Ben ? Non, grand coup de bol, en fait. La plupart du temps, nous, on travaille dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on a... On crée d'abord la musique et ensuite on essaye de poser des paroles ou voir comment rythmiquement des paroles peuvent se poser, des fois en faisant du yaourt ou du nanana sur une chanson. Et là, c'est la première fois que je me retrouvais avec un texte et puis j'étais là genre, ah mince, il y a un texte avant là, c'est compliqué. Et en fait, gros coup de bol, c'est vrai que j'étais en train de faire mon asocial tout seul devant mon ordinateur avec ma guitare et il se trouve que... Le morceau que j'étais en train de faire, le texte rythmiquement, il collait pile poil, donc on a eu un coup de chance en fait sur ce coup-là, ouais, vraiment. Oui, c'est vrai que d'avoir des paroles et de coller la musique dessus, c'est quand même plus difficile. La plupart des groupes, ils commencent par avoir une inspiration musicale et puis après, ils calent des paroles dessus. Mais en tout cas, bon bah voilà, hein, c'est comme quoi ça marche dans les deux sens. Hein. Donc oui. Moi, je propose que on commence par un premier titre. Donc on va commencer par Famine, qui est sur la compilation Paris en Oeil. Sorti donc le 23 septembre 2022, c'est ça ? Ouais. Quelque chose comme ça ? Et ouais. Épuisé le 23 octobre 2022. Incroyable. Voilà. Mais en même temps, je trouve que c'est une compile... Enfin, tous les groupes ont de super morceaux, c'est vraiment hyper ouais. Chouette. Ouais, sans vouloir se faire de l'autopromotion, oui, c'est... Non, mais pour parler deux minutes de cette compile, c'est vrai qu'elle a regroupé des gens qui ont enregistré avec, on sait ce qu'on dit, un petit peu dans l'insert, hein, au même endroit. Il y a un état d'esprit des gens qui se connaissent et tout ça. Et en fait, elle a bien fonctionné, mieux que prévu même. Ouais, il faudrait retrouver il y a une review en anglais sur Internet où en fait le gars explique qu'il y a un côté photographie d'une scène à un instant T et tout ça. Et en fait, ouais, on est fiers d'y participer pour cette raison. Et en fait, c'est exactement ce que c'est, quoi. Ouais. Donc, moi, je trouve honnêtement que le projet a été assez incroyable d'une manière générale. Ouais. Avec Une Vie pour Rien, c'est la troisième copie qu'on sort. Pour moi, c'est ma préférée, en fait. Ça, il n'y a pas photo. Donc, voilà. Famine, le cran. Sur Droogies Radio. Sur Droogies Radio, voilà. Bon, ben là, du coup, les concerts, ça démarre super bien depuis quelques temps, là, en France, mais aussi pas mal à l'étranger. Donc, tous les contacts et tout, ça se passe comment ? Alors, effectivement, là, on joue pas mal depuis l'année dernière. L'année dernière, on a fait la Pologne, l'Espagne, la Suisse, la Belgique. La Belgique plusieurs fois. On est un peu abonné aux pizzas, à vrai dire, avec les copains du Nord. Et très, très récemment, on a fait deux dates en Angleterre. Les contacts, comment ça se passe ? C'est vraiment de manière assez diverse et variée. Autant c'est des en Pologne typiquement, donc c'était des gens qui organisaient un festival qui avaient vu une vidéo live d'un de nos concerts, qui connaissait une copine qu'on connaît sur Paris qui est polonaise et qui lui a demandé de nous filer un contact et si on souhaitait jouer à un festival. Ça nous paraissait complètement loufoque, on n'y croyait même pas, et un mois après on a reçu un message, donc les gars étaient vraiment super motivés. Et c'est un festival qui s'appelle l'Ultra Chaos Picnic. En fait, le nom, tu te dis, mais à quoi s'attendre ? Et c'est un festival qui a lieu depuis 14-15 ans, au fin fond de la campagne, à côté d'une forêt, à 3 heures de Varsovie, à 1h30 de la frontière avec l'Ukraine. Donc on y allait cet été en mois de juin. Super accueil, voilà, c'était un festival sur 2 jours. Donc on s'est bien éclaté, on a été à la rencontre d'un autre public, on s'est bien marré, les Polonais boivent beaucoup, le public devant était bien motivé, bien chaud. Et comment ça s'est passé pour les autres contacts dans les autres pays ? C'était pareil, des gens où on se dit, bah tiens, je pense qu'effectivement, grâce aux compilations, avec Paris en Oil et Oil Album Volume 2, étant donné que ça a pas mal circulé sur les scènes internationales, les gens à qui nos morceaux ont plu nous ont directement contactés. Je pense notamment à Dave In March, qui est en Angleterre. C'est un organisateur de concerts depuis très très longtemps. Il est à Derby et il organise un festival qui s'appelle le Forever Young Festival sur 2 jours, et ça faisait déjà un an qu'ils nous avaient contactés, ils voulaient nous faire jouer. Nous, ça nous paraît assez incroyable parce qu'on se dit, le mec nous a jamais vu, il nous a juste entendu notre EP, plus de morceaux de compil, comment ça se fait qu'il souhaite nous faire venir à un festival aux côtés de groupes assez connus comme Takers and Users, Crown Kurt, Bull Brigade, enfin voilà, ça nous paraît assez loufoque, hein, à vrai dire. On se demande des fois, tiens, un peu le syndrome de l'imposteur, quelquefois un peu, mais on se dit bon. Et en fait, le mec nous a vu aussi à Badalona, on a joué au Beer Beach and Chaos en août 2022. Ce contact-là, c'était bah, pareil par la scène, les connexions qu'il y a entre la scène, les scènes bah, parisiennes notamment et espagnoles. Et donc bah, on se retrouve débarqué dans ce genre de festival assez rapidement, encore une fois en n'ayant pas encore sorti un album. Donc on est assez reconnaissant et assez content de pouvoir aller aussi à la rencontre d'autres publics, d'autres scènes. Je pense aussi qu'on a eu depuis le début la chance déjà avec nos bassistes maintenant, puisqu'il y en a eu plusieurs qui quand même sont des gens, Louis, donc avec ce qu'il faisait dans Lion's Law, puis Félix avec ce qu'il a fait dans les groupes qu'il a eu, on quand même, ils sont un peu suivis par la scène en fait d'une manière générale. Donc on a eu la chance d'être portés aussi grâce à eux. Voilà, Louis au départ fait quand même énormément pour nous quand on se retrouve avec un musicien de Lion's Law dans notre groupe, ça met quand même un éclairage en fait sur ce qu'on fait. Et puis il y a aussi autre chose, il y a aussi toutes les orgas de concerts qui se font à Paris actuellement, notamment grâce à Wati qui nous a mis sur des dates. Quand on se retrouve comme deuxième concert à jouer justement encore une fois avec Marabouts et Bromure, c'est une date que les gens qui ne peuvent pas venir vont quand même observer. Et ça, plus la compile, plus ces choses-là, fait qu'on a été un peu voilà, porté, ouais, propulsé grâce à ça. Et en premier, c'était nos copains, nos potes de Lille aussi, hein, qui nous ont dit, les gars, on veut faire les 30 ans du Pit, vous avez 4 mois pour faire un set, pour faire des morceaux, on vous veut sur scène, on vous veut, donc ça nous a aussi donné le... Exactement, exactement. Voilà, donc bah, on va passer à un petit titre, vous avez choisi quoi ? Donc moi, pour ma part, j'ai choisi un morceau de Slugger qui s'appelle Me and You. Donc Slugger, c'est un groupe californien avec lequel... Rix puis Bromure là bientôt vont jouer donc en Californie et c'est marrant ce titre qui est le dernier de leur disque qui est sorti. Je trouve qu'il pourrait faire partie de la fameuse scène un peu française avec ce côté un petit peu cold, un peu French touch quoi, voilà. Et c'est marrant en écoutant, on aurait pu dire que c'était un groupe français. J'aime beaucoup ce morceau. Ils sont peut-être inspirés des groupes français, hein. Ben en fait, on trouve que l'intro, c'est un mélange entre une intro d'un groupe parisien mythique, hein, on peut dire maintenant, qui s'appelle Youth Avoiders et qu'on aime énormément. Et on aime aussi les gars qui sont dedans, qui sont déjà de super musiciens. Et en plus, quand on joue avec eux, on se marre bien. Donc un mélange entre... Ouais, on entend un petit peu de Traître et un petit peu de Syndrome 81 aussi dedans. Voilà. Donc Slugger, Me and You. Ok, c'est parti sur Droguiz Radio. De l'album donc, qui sort cette semaine, enregistré où, quand, ça sort sur Une Vie Pour Rien. Alors, pourquoi ce titre, Naté ? Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Voilà, donc si vous pouvez me parler un petit peu de l'album. Ok. Alors l'album, il a été enregistré à l'UFO Studio, là où on a pour l'instant enregistré tout ce qu'on a fait, hein, donc les compiles comme notre EP. Donc par Alex Mazarguil. L'album, on l'a enregistré en novembre 2021, ce qui paraît super loin pour la sortie, mais il y a eu un gros délire au niveau des temps de pressage, parce que les chers majors du monde de la musique ont décidé que c'était plus important de sortir quatre fois quatre versions différentes du dernier Adele que de continuer à faire fonctionner les scènes alternatives. Voilà, petit clin d'œil, un big up à vous parce que je trouve que vous êtes vraiment des enfoirés. Voilà, et donc ce qui rend cet album super cool pour nous, c'est que c'est quelque chose qui est un peu vraiment notre bébé. On a beaucoup composé, on a beaucoup travaillé. Ce qui est un peu dommage du coup avec cette latence, c'est que y a des chansons que malheureusement on en est presque à en avoir marre de les écouter. Voilà. Mais là, il est enfin là. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Et donc, on est très, très content qu'il soit là. Concernant le titre de l'album qui s'appelle Nat, et donc il y a un morceau aussi qui s'appelle Nat dedans, ça veut dire. Donc, c'est pas un mot français, effectivement. C'est un terme, c'est un mot en albanais qui veut dire nuit. Nuit comme la nuit. Voilà. Préciser. Tu es albanaise. Je suis albanaise, voilà. Donc je suis née en Albanie et donc je suis arrivée en France à mes 11 ans. Voilà, exactement. Et donc pour moi, c'est un petit clin d'œil personnel. Et en même temps, quand j'en ai parlé aux gars dans le groupe, ils étaient chauds. Je trouve que c'est assez original aussi. On a un morceau qui s'appelle Nat aussi, qui parle aussi de ce qui se passe dans la nuit, quand on sort, quand on fait la fête, quand on fait des rencontres, quand on se bagarre, voilà. Donc, et tout l'artwork tourne autour un peu de ça aussi. C'est noir et gris. D'ailleurs, au passage, donc l'artwork, c'est notre copine Jeanne Spitz qui l'a fait. Donc, c'est sur une technique de base sérigraphie avec du charbon. Donc, c'est une technique qu'elle a, elle, sur laquelle elle s'est spécialisée, on va dire. Donc je l'ai fait avec elle, j'ai travaillé avec elle, on a fait plusieurs essais, donc on a décidé de garder ça. Donc l'album est assez sobre aussi hein, dans l'artwork. Je pense que c'est un peu à notre image aussi, voilà. Et puis donc le charbon, puisque donc le Nord, elle ira donc à passer une partie de son adolescence quand elle est arrivée en France dans le Nord. Et les thématiques en fait un peu des origines ont toujours été abordées dans le Cran à un moment ou à un autre. C'était le cas de la chanson Passé X, où on évoquait ça, et on n'a peut-être pas encore passé le cap de faire une chanson en albanais. Mais c'était une de mes questions, en fait. Est-ce qu'un jour, faire une chanson en albanais? Parce qu'avec Ed, on avait déjà discuté de ça, par rapport au savoir s'il y avait vraiment eu un moment, une petite scène, au moins en Albanie, avec des groupes. Moi, je n'avais rien trouvé. Mais voilà, faire une chanson en albanais, ça pourrait être bien aussi, enfin, je veux dire. Alors ouais, il y a deux points, il y a plusieurs points. Une chanson en albanais, on l'a pour l'instant jamais fait, mais on l'a jamais exclu et on a toujours été à se dire ok, pourquoi pas. Voilà. Et concernant la scène punk albanaise, ça a été un vrai sujet parce qu'on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on trouve, qu'on voit quoi. Alors on s'est fait aider par-ci par-là, on a commencé à chercher, donc. On a donc un contact en Serbie, donc il y a son émission de radio, donc Miguelito, je vous retrouverai le nom de l'émission de radio parce que là je l'ai pas de tête tout de suite, je m'en excuse, mais qu'on consulte vachement sur tout ce qui est la musique un peu balkanique, le punk rock, le post-punk, l'anarcho-punk qu'il y a pu avoir, ou là même la dark wave, new wave, ou je sais pas quoi. À côté de ça, c'est vrai que avec le collègue Milky, il y a eu donc des émissions avec Ed sur Alès Rien de Nouveau où on pouvait évoquer ça. Et j'ai fini par trouver une chanson qui serait probablement la seule chanson de punk albanais. Et je dis un grand, grand merci à monsieur Olivier Crapoulet qui est, je pense, le plus gros geek de France sur ça, qui a fini par me trouver la chanson. Et le pire, c'est qu'en fait, elle est très compliquée à trouver cette chanson parce que le groupe s'appelle Gutter Snipes. Et des groupes qui s'appellent Gutter Snipes, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Et de trouver cette chanson uniquement, bah pour l'instant, j'ai pas réussi. Voilà. Du coup, là, on va passer à un titre de l'album. Donc, vous avez choisi quoi comme titre de... Je passerai bien Ad Vitam, qui est une chanson que j'ai écrite. Alors, concernant l'écriture aussi, au passage, on se la partage avec Ben. C'est quand même principalement Ben qui a écrit. Mais Ad Vitam, c'est moi qui l'ai écrite et en fait ça parle de ma mère, voilà, de ses luttes dans sa vie en tant que mère, en tant que femme et ce qu'elle représente pour moi et les inspirations qu'elle m'a données. Donc voilà, Ad Vitam donc. Ok, c'est parti pour Ad Vitam sur Drogis Radio. We'll be right back. Alors sur les textes de l'album ou en général, pour vous les textes c'est quelque chose d'important, c'est aussi important que la musique, ou les textes un petit peu secondaires, c'est d'abord l'énergie, c'est d'abord la musique, ou voilà. Et qui écrit les textes principalement pour le groupe ? Alors que, comme disait Ed tout à l'heure, c'est vrai que j'écris la majorité des textes, et en fait, pour moi, les deux vont de pair. La musique doit aller avec les textes. Effectivement, donc c'est très très important pour nous, mais on va écrire des choses qui sont pas si directes que ça. Il y a quand même, bon, peut-être mis à part des chansons comme L'amour, où on traite du sujet des violences contre les femmes. Autrement, il y a quand même pas mal de textes qui sont sujets à interprétation. Je sais que des gens d'ailleurs nous ont rapporté ce qu'ils avaient interprété d'un texte qu'on avait écrit et qui n'était pas ça. C'était pas forcément de ce dont on parlait, mais ça nous allait s'il y avait cette interprétation-là aussi, quoi. Voilà. Pour le reste, moi je suis quand même quelqu'un qui peut-être le moment où je prends le plus de plaisir, c'est quand je suis un peu tout seul dans ma cave en train de faire de la musique. C'est un truc un peu comme aller voir le psy, en fait, en un sens. Et du coup, pour ta femme. Non, effectivement. Et du coup, je pense qu'il y a un côté aussi où ça fait sortir certains trucs de la tête, en fait. Voilà, vaut mieux qu'il soit sur le papier. T'avais pris des cours de musique ? T'as commencé comment, la musique ? J'ai pas pris cours spécialement de musique. J'ai commencé la guitare quand j'étais ado, comme à peu près tout le monde. J'avais plutôt un copain qui prenait des cours, qui venait le mercredi après ses cours pour me montrer ce qu'il avait appris pendant ses cours. Voilà. Après, j'ai eu un groupe quand j'avais 16-17 ans. Et je me suis fait virer du groupe et je me suis retrouvé un peu tout seul. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un type qui m'a appris à m'enregistrer. Et depuis cette époque-là, en fait, je m'enregistre tout seul. Et c'est comme ça qu'un peu ça a commencé, et d'ailleurs ça continue d'être, quoi. On enregistre des démos, on enregistre des trucs, puis c'est des moments un petit peu particuliers à soi, quoi. Comme, je sais pas, comme des gens vont aller tout seul à la salle de sport, ben moi je vais me mettre là-dessus, quoi. Bah oui, c'est ça en fait la démarche de composition chez, enfin, donc Rance, et effectivement les idées viennent principalement de Ben pour la musique, et ensuite chacun met sa patte, on répète en fait, on se met en place, il y a pas de vraiment de composition, on répète, c'est plutôt de la mise en place, le travail du set, des enchaînements, et les, donc le, enfin Louis et Félix ensuite, enfin pour le coup Ben qui est donc le principal compositeur leur laisse mettre leurs pattes avec leurs instruments respectifs. Ouais, c'est un peu plus que laisser mettre leurs pattes, hein, quand même. Il sublime un peu les trucs que je fais. Je suis quand même moins bon bassiste que les Félix. Voilà, quand je leur demande même de mettre absolument leurs pattes, en fait, c'est pas laissé. Yes, voilà. Ouais. Alors une petite question sur Félix. Est-ce que depuis qu'il a intégré le groupe, ça a apporté, enfin lui, il a apporté un petit peu sa petite touche, on va dire, ou il s'est mis dans le moule un petit peu du truc et puis voilà, sans plus. Je sais pas, moi je pense que c'est vrai qu'il y a eu quand même un peu l'inquiétude à l'époque avec Louis, vous composiez un petit peu à deux, donc ça marchait bien en tout cas à l'époque. Et là, je pense que c'est un peu pareil dans le sens où on voulait nous garder, continuer à garder cette patte un peu, on va le dire, hein, le mot, hein, un peu froide, un peu mélancolique et froide, et en même temps, péchu, quoi. Et je pense que Félix a capté en fait le style, et c'est aussi pour ça qu'il avait intégré le groupe. Hein. Quand on lui a demandé, il a dit oui, il était content, et il a intégré le groupe d'ailleurs en août 2021, je crois, enfin l'été 2021. Et pour le coup, moi, je vois complètement une continuité dans notre style, et il a intégré le style avec Cran, et je pense que ça lui plaît aussi. Oui, je pense. Il a des super idées. On a fait, il y a des parties de basse qu'il a créées sur certains morceaux auxquels j'avais, enfin, je pouvais même pas ni les penser ni les imaginer, quoi. Donc, voilà. C'est vrai qu'avec Louis, on avait l'habitude à l'époque de composer à deux, ce qui était un peu étrange parce qu'on a tous les deux des personnalités un peu fortes, un peu affirmées sur notre composition, puisqu'en fait, je crois qu'on était assez proches sur l'idée d'être tout seul et de composer des trucs, voilà. Donc, amener deux gens qui sont plus habitués à être dans leur caverne à composer ensemble, ça pouvait être un peu bizarre, mais en fait ça a fonctionné. Mais l'arrivée de Félix, en fait, il a aussi beaucoup rafraîchi les choses. Et puis c'est quelqu'un de très franc. Tel morceau je l'aime pas, tel morceau je l'aime bien, tel morceau je l'aime encore plus. Et ça a amené à ce qu'on soit tout de suite. Ouais, il y a eu une dynamique, une très bonne dynamique dès le départ, en fait. D'accord. Okay. Bah là, on va passer du coup à un titre de Félix. Félix est avec nous par la pensée. Voilà. Et effectivement, il nous a envoyé quelques morceaux à passer pour cette interview. Alors du coup, on va passer le morceau d'un groupe qui s'appelle Thor. Alors j'avoue personnellement, j'ai pas écouté le morceau. Et le morceau s'appelle Keep the Dogs Away d'un groupe qui s'appelle Thor, comme le dieu. Ok, c'est parti pour le titre de Félix, Thor, sur Droguiz Radio. Après avoir parlé du contenu des morceaux, tout ça, là, petite question sur la pochette qui est un petit peu décalée, si on peut dire ça. Enfin, nous, on aime beaucoup. Et du coup, ça représente quoi, en fait? Parce que c'est pas évident, en fait, ça peut représenter plusieurs choses. La pochette et l'insert, c'est tiré de quoi? Un dessin, une photo? C'est tiré d'une photo de la mer du Nord. C'est vrai qu'effectivement, on dirait que dans cet album, il y a beaucoup de parties de moi en dedans, puisque l'album s'appelle Nat en albanais, c'est la mer du Nord, puisque j'ai vécu beaucoup à Lille, et j'ai pas mal de connexions avec le Nord, ma famille, les copains, etc. Et du coup, on a fait appel à une copine très talentueuse qui s'appelle Jeanne Smith. Oui, enfin, avant de parler de Jeanne, parce que Jeanne, C'est un vrai sujet, elle nous a beaucoup aidé. La photo originale, c'est quand même une photo de ta sœur. Oui, c'est vrai, c'est une photo que ma sœur avait prise, ce que je trouvais chouette. Et on était un peu en manque d'idées sur qu'est-ce qu'on va faire pour la pochette. Et on s'est dit, on était parti sur l'idée en tout cas d'une photo. Pas forcément d'un dessin ou voilà donc d'une photo ou d'un artwork particulier. On s'est dit tiens on pourrait faire à partir d'une photo. Et en fait quand on en a parlé avec Jeanne, elle m'a dit mais tiens je suis en train en ce moment de bosser sur un truc dans mon atelier avec du charbon en utilisant les cadres de sérigraphie pour faire des t-shirts en sérigraphie. Et elle m'a dit viens dans l'atelier, on peut essayer de faire ensemble quelque chose, je vais le tirer, etc. Et avec le charbon, en plus symbolique du Nord, etc. C'est quand même un peu ma région d'adoption, avant de venir à Paris il y a 10 ans. Et du coup, on a bossé sur ça. Et en fait, c'est ultra incroyable de bosser sur la pochette d'y participer, quoi, de son album. Et en fait, ça rend quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça vous évoque comme ça quand vous le voyez tout de suite, un terme qui sortirait Moi, c'est vraiment, on voit un horizon. Oui, on peut dire oui, l'horizon avec la plage. Mais moi, je suis plus habitué aux plages de sable. Donc, du coup, c'est voilà. Vrai que je suis un peu perturbé. C'est la mer du Nord. Je vais pisser des cailloux, je vais péter les doigts de pied. Je vais rester sur le bord. Donc voilà, donc on fait une musique sombre mais qui casse des doigts de pied. Voilà. T'avais qu'à mettre tes docks. Bon, on va passer un nouveau titre. Bon, ça va être à toi, Ed. Ouais, moi j'ai choisi le groupe Génération Suicida, qui est un groupe californien, mais avec des Espagnols dedans, qui chantent donc en espagnol et qui sont partis vivre en Californie. Et le morceau s'appelle Mil Amores. Ok, c'est parti pour ce titre sur Droguise Radio. Comme vous êtes intéressé, évidemment, comme beaucoup de gens, mais par différentes scènes et différents lieux sur la planète, est-ce qu'il y a une petite scène actuellement qui vous plaît un peu plus qu'une autre ? Enfin, je sais pas, il y a une région du monde où vous trouvez qu'il y a particulièrement plusieurs groupes qui ressortent assez bien ? Moi, personnellement, j'ai 3 endroits qui me viennent en tête. Voilà. Peut-être les mêmes. En ce moment, j'aime beaucoup la dynamique et les groupes qui sortent des États-Unis d'une manière générale, et surtout la scène du Nord-Est. On a eu la chance de jouer avec Violent Way, etc. Et on s'est rendu compte que les gars, en fait, sont ultra à fond dans le truc. Ils ont plein de types de groupes différents. On peut même voir ressortir des groupes un peu post-punk de leur scène. Et moi, je trouve que c'est super génial. Voilà. Et puis en plus, ils ont des petits rapports qui sont en train de se créer avec les Canadiens, qui fait que ça rend les choses vachement intéressantes. De Montréal, la scène de Boston aussi, je pense à un groupe qui s'appelle le Battery March qui avait sorti une démo il y a quelques années qui est en train de se réactiver. Et en fait on voit tous ces gars qu'on a un peu rencontrés ou qu'on connaît par les réseaux qui sont en train de faire des connexions comme disait Ben et de monter des concerts et des festivals ensemble. On nous a aussi, nous, d'un autre côté, de part, donc moi, l'émission que je fais, Female Trouble, j'essaie d'interviewer des nanas qui font des choses là-bas aussi et qui souhaitent aussi nous faire venir cran à Montréal, donc c'est une super nouvelle pour nous aussi. Ça se fera peut-être l'année prochaine. Mais effectivement, ce qui se passe là vers le nord-est de l'Amérique, c'est hyper chouette. Moi, je citerai aussi ce qui se passe en Espagne, Pays Basque et aussi, en Catalogne. Ouais, Pays Basque, ouais. Là, on vient on a joué deux dates le week-end dernier avec un groupe très connu, mais il y en a d'autres qui sont moins connus et qui font des tueries. Donc, on vient de jouer avec Caleco Urdangak et l'été dernier, on a découvert un groupe qui s'appelle Enemic Interior. Je pense à un autre groupe aussi qui sont catalans pour le coup, qui s'appelle l'AURSS, qui sont ultra bien aussi. Qu'est-ce que toi, tu as d'autres à citer, Ben ? À un moment, on vient de les voir en concert. J'aime bien Blessure. Voilà, c'est un groupe. Je ne sais pas pourquoi, parce que je crois que ça ne fait pas forcément l'unanimité sur plein de choix qu'ils ont fait. Blessure, ouais, ils sont de Bilbao. Ils sont sortis sur la compilation Chaos in Basque Country. Et voilà, c'est un peu particulier. La chanteuse chante en français, mais alors avec un accent espagnol. Et qui peut gêner certains, en tout cas qui voilà, j'ai entendu des retours un peu comme ça, mais moi je sais pas pourquoi ce truc j'adore. Voilà, la musique elle a matché tout de suite pour moi. Là on vient d'aller les voir en concert et en plus on a discuté, on a passé un super moment avec eux. Voilà, et je pense qu'il y a une dernière scène qui est toujours à noter et qui depuis une quinzaine d'années, je pense même un petit peu plus, est toujours à noter, c'est la scène lilloise. Voilà, parce qu'ils font toujours des nouveaux groupes, c'est toujours pas vraiment où on les attend. Je pense que c'est une scène quand même qui, d'une certaine manière, va un peu l'idée. C'est des passionnés, vraiment, c'est des passionnés, et ils s'arrêtent jamais de faire de la musique. Voilà, et c'est ouais, autant sur leur organisation que tout ça. C'est et de la radio, bien sûr, et de la radio. Mais oui, c'est ça. On a la chance de pas être très loin. Paris-Lille, ça fait qu'on arrive à y aller quand même régulièrement. Et que ce soit dans les organisations de concerts, que ce soit la radio, que ce soit tout ce qu'ils entreprennent. En fait, à chaque fois, c'est prolifique. À chaque fois, on aime ou on n'aime pas. Mais dans toute la multitude, il y aura toujours un groupe où on se dira « Ah, ça, c'est vraiment cool. Ah, ça, c'est vraiment nouveau. » Voilà. Et donc, c'est très bien. Ok, bah là on va enchaîner avec plusieurs titres, donc de Ben, de Ed et de Félix et Louis. Donc on va mettre 4 titres. Alors moi de mon côté, j'aimerais passer un morceau donc Rocksteady d'un artiste qui s'appelle Melbourne Douglas. Le morceau s'appelle Dakota et c'est sorti chez Original Gravity Records, donc en Angleterre. Même si c'est du rocksteady, c'est de la musique récente en réalité, hein, c'est de la musique des années 2000. Pour ma part, alors ce sera un morceau en commun avec Félix puisqu'il l'avait choisi aussi. C'est un morceau de Ultra Radia, donc groupe de Montréal. Ça s'appelle Aimes-tu la vie ? Et pour Louis, je peux peut-être te laisser Mélo introduire ta blague parce qu'elle était quand même plutôt pas mal, hein. Très très fin, après le charbon des Lillois, nous allons écouter le plomb de Louis. Le plomb parisien, mais oui, puisque Louis est batteur aussi dans le groupe de post-punk avec des touches un peu anarcho-punk de Paris qui s'appelle Plomb. Et ils viennent de sortir une cassette il n'y a pas très très longtemps. Et si je ne me trompe pas, la chanson préférée de Louis, c'est Bright Life. Well, here why you see, if you want real authentic music, then this is the perfect place. And we don't have no time for waste. Play music for the people. it was true. Yeah, I think it was true. Lay that head on the grass. Chewing gum and having some laughs. Yeah, we're having some laughs. You make me feel like the one. Make me feel like the one. The one. You make me feel like the one. Make me feel like the one. The one. Drinking by drinking for two. Drinking with you. It was new. Sleeping in the back of my car. We never went far. We never need to go far. You make me feel like the one. Make me feel like the one. The one. You make. Talk about why did it end? Hey, come on. You make me feel like the one. Make me feel like the one. The one. You make me feel like the one. Make me feel like the one. The one. Lumière noire, la sonore. Alors, pour finir, on arrive sur la fin du coup, vos projets à venir ? En fait, niveau projet à venir, là, on est en train d'essayer de monter une mini tournée pour le mois d'avril, parce que finalement, on n'a pas eu l'occasion vraiment de partir un peu en tournée tous ensemble sur plusieurs dates. Donc là, on est en train de travailler sur 6 dates. Ce sera Suisse, Sud-Est, peut-être avec un peu de chance Italie. Donc jouer, tourner. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que l'album, même s'il est tout frais, il vient de sortir, il va sortir. Nous, ça fait quand même quelques temps qu'on a composé tout ça, donc on s'est remis gentiment à composer et pour voir pour de nouveaux projets, quoi, pour continuer à avancer. C'est un peu ça l'idée. On est forcément un peu dans l'expectative, l'attente de voir comment l'album va être accueilli. Donc des concerts, des lives, parce que on en parlait un peu tout à l'heure en off, c'est ça qui nous donne de l'énergie aussi et qui nous nourrit et qui fait que sur scène on se met de plus en plus à l'aise, on kiffe rencontrer le public, et comme on a la chance de bouger aussi, c'est toujours chouette d'avoir des retours de différentes scènes, de différentes personnes, de différents pays. On est en train de penser à peut-être faire un projet avec d'autres groupes aussi, peut-être éventuellement un split, à voir. Et puis peut-être moi faire des featuring aussi avec éventuellement d'autres groupes avec des nanas dedans, je n'en dirai pas plus. Et si vous voulez, on peut enchaîner encore par un morceau. Ouais. Je vais piquer encore dans la playlist que Félix nous avait envoyée. Et Sacré Félix. Même quand il n'est pas là, il est là quand même. Alors c'est un morceau de Nipple Erectors et ça s'appelle Nervous Wreck. Là, on arrive sur la fin de l'émission. On va parler une dernière petite chose, puisqu'hier soir, vous avez joué de manière un petit peu inattendue à l'improviste, à l'international, en remplacement de dernière minute. Donc, très bon concert. Bon, vous l'avez trouvé comment ? Et puis, bon, concert en général. C'était chouette. C'était effectivement du dernière minute. On a été un peu. On nous a demandé, étant donné qu'un groupe Verzet ne pouvait pas jouer. On était tous là, on était dispo, puisqu'il y avait aussi Récidive qui jouait, qui est l'autre groupe de Félix, qui cette fois, donc dans Récidive, est à la guitare. Donc on était tous c'est marrant, je crois que c'est un peu la première fois qu'on fait un remplacement comme ça dernière minute. Bon, après c'était à domicile, donc c'est plutôt pratique. Oui, c'était plutôt pour rentrer gratuitement à vous. C'est vrai qu'on avait parce que le concert était complet, oui. Faut le rappeler, mais en fait c'est ça qui est il y a un côté chouette, mieux qu'acheter une place de concert, jouer dedans. Ouais. c'est travailler pour pouvoir assister à un concert, quoi. Ouais, ouais. C'est mieux que la plonge, hein. C'est mieux que la plonge, effectivement. Après, on se fait payer des coups à boire en plus. Non, c'est un bon plan. C'est plutôt pas mal. Non, mais en fait, c'est en un sens, c'est une super nouvelle, même si effectivement, c'est un peu frustrant de se dire que le concert était complet. Il y a eu quand même deux soirs de suite avec des concerts comme thématique Oi, plus ou moins, hein, à Paris, complet. Mais c'est juste enfin, génial, quoi. Ça veut dire que cette scène, elle bouge, elle est là, et voilà. Donc on pointera peut-être le manque de salles un poil plus grosses pour pouvoir nous accueillir. Ouais, mais c'est vrai que, en fait, depuis pas mal d'années, là, et ces dernières années, oui, ça, des salles comme ça désemplit pas, en fait. C'est vite overbooké, et il y a vite 200 personnes, entre 150 et 200 personnes pour des groupes qui sont des fois passés plusieurs fois en plus. Ouais. Vivement le retour de la Mecca. Ouais. Et hier, en fait, il y avait beaucoup d'étrangers. Des Belges, j'ai entendu parler espagnol, il y avait des provinciaux aussi. Oui, il y a aussi le concert de Ivis ce soir, donc je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont bougés aussi d'autres villes. Et il y avait aussi l'occasion du concert de hier, parce qu'il y avait Golpe qui jouait aussi avec Rix. Donc oui, effectivement, il y avait pas mal de gros public. Des gens là, qui étaient venus aussi pour le soir d'avant, qui sont fait le week-end complet. Oui, exactement, puisque le soir d'avant, il y avait donc Rancœur qui jouait avec Yena et Blessure. Voilà, donc effectivement, non, là, c'est, on sent une grosse réactivation des scènes et des salles, et en même temps, effectivement, comme elles sont un peu moins, de plus en plus rares, les salles, là, c'est vrai que ça se concentre un peu sur les mêmes endroits. On est en demande, effectivement, de nouvelles salles plus grosses ou peut-être, avec moins de contraintes, parce que du coup moins d'endroits font aussi que les salles imposent un peu plus leurs contraintes. C'est pas forcément toujours dans l'esprit punk, hein, moi je trouve, ça nous correspond pas forcément toujours, mais c'est vrai qu'on fait avec ce qu'on a. Ça a le mérite quand même d'être là, voilà. Mais ouais, a priori, enfin pour moi après c'est vraiment très très personnel, mais je rêverais qu'on ait un squat, en fait, comme on a pu en avoir à l'époque de la miroiterie, même s'il y avait ses défauts, hein, et c'est pas l'histoire de rentrer dans les problématiques qu'il y a pu avoir là-bas, mais un endroit qui puisse nous accueillir ou la petite maison, effectivement, comme on a eu à une époque où on pourrait jouer, faire venir les groupes de faire jouer autant des petits groupes que des groupes de moyenne stature, que même un peu plus grands. La miroite à l'époque, on a quand même vu des groupes comme Subhumans ou GBH jouer, quoi, donc c'était quand même sympa. Ouais, c'est clair. Après, sur Paris, maintenant, je pense que c'est vraiment c'est chaud. Et après, voilà, ces trucs comme ça serait banlieue, voire grande banlieue. Le problème, après, c'est l'accès pour les gens, en fait, parce que tout ce qui est sorti de la Paris et la petite banlieue pour les concerts, c'est assez vite compliqué aussi pour pas mal de gens. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu parles en banlieusard, hein, parce qu'ils ont quand même, il y en a quand même qui ont beaucoup du mal même à traverser le périph. Hein. Ouais, ouais. C'est clair. C'est pas dans les deux sens. Il y en a, oui, c'est plus facile de rentrer que de sortir. Voilà. Bon, on arrive sur, on est sur la fin là. Voilà. Donc, on va passer des titres pour finir quelques titres. Donc, moi, je voulais passer un titre de Akran. Donc Paris 11e, voilà, faut que je me concentre. Et en fait, je viens d'apprendre qu'il y a la même version qui existe, mais pas par. Nous leur avons rendu un hommage. Ouais, voilà. Alors c'est, du coup, c'est. Alors nous, on a appelé ça Akran au carré. Akran au carré, donc avec Ben et Ed. Et donc c'est Paris 11e, on s'est tapé un délire d'enregistrer ça pendant le confinement et on l'avait envoyé aux potes de Akran juste. Pour délirer. Et en fait, Ben, effectivement, comme il a son projet perso à la place, il l'a balancé sur Bandcamp. Donc voilà, on peut le trouver sur Bandcamp. Voilà. D'accord. Okay. Et puis, après ce titre, on va passer quoi pour finir? C'est les petites idées. On peut repasser un titre de l'album. Un petit morceau de l'album, là, si vous voulez. Ouais, carrément. Moi, le morceau que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Paumé. Oui, parce que des fois, il y en a qui me saoulent. Celui-là, je l'aime bien en ce moment. Voilà. Et puis, on pourra passer aussi, là j'ai pas le titre en tête, un morceau des Daltons, puisqu'ils sortent aussi un album. Le même jour, le 23, voilà. Effectivement. On va leur rendre un petit hommage, carrément. Les amis des Daltons, yes. De Caen. Ils passent super bien les Daltons, félicitations les gars. Chanson d'élégance. Chanson d'élégance. Ben, voilà. Et voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas. Ben merci beaucoup à vous, c'est super de nous avoir proposé. Et d'une manière générale, merci pour toute l'aide en fait et toute la participation à la scène, tout ce que vous faites pour la scène en fait. Merci beaucoup. Oh ben, c'est pour notre plus grand plaisir. Voilà. Ben c'est fini pour cette interview pour Droogies Radio. En attendant les prochains, puisque après une petite pause, on va reprendre les interviews. Voilà, vous êtes sur Droogies Radio. Droogies Radio. Voilà. Si vous êtes pas au courant, Radio. Vous êtes sur Droogies Radio. Droogies Radio. Paris est une forteresse. À chaque quartier, c'est ivresse. De vérité, en toi survit. Les dents qui s'envoient la nuit. Les, tu t'es fait la promesse. Que la moindre de tes quêtes se réglera sur un coup de tête. Dans ma victoire de nos vies. Le 11e à Paris, 11e, deux fois première. Tant que les temps tu prends la loi. Paris, 11e, toujours premier. Tant que la chance sera de notre côté. Paris, 11e. Paris, ma dernière faiblesse. Tu as bitumé ma jeunesse. Chacun des quartiers, passe la place par l'ancien. Les tueurs montent la roquette pour prêcher l'infamie. Le pique-cas est choquette dans ce quartier où tu vis. Le 11e à Paris, 11e, deux fois premier. Tant que les temps tu feront la loi. Paris, 11e, premier toujours. Les larmes ont en compte un bon.